le chemin de la dualité à l'être unifié. L'altérité, c'est reconnaître l'autre dans toute sa différence. C'est identifier sa part qui est unique dans son mode de fonctionnement. Vivre l'altérité comme une complémentarité et non comme une incompatibilité. L'altérité, c'est ce qui est différent de nous, puisque chacun fonctionne différemment. Si l'autre ne reconnaît pas votre différence, votre particularité, vous pourriez vous sentir parfois rejeté, voire exclu dans votre relation, et puis vous dire « cette personne ne me reconnaît pas dans ma différence, dans mon unicité, dans ma complémentarité ». En fait, dès que l'autre s'oppose à vous, c'est que cette personne est dans la non-acceptation de votre expression, quelle qu'elle soit. Donc, je me permettrai de vous dire que votre interlocuteur ou votre interlocutrice, qui peut être aussi votre partenaire de vie, exprime sa dualité, voire son opposition envers vous-même. Nous pourrions dire à ce moment-là que cette personne n'est pas dans son unicité, qu'elle est tout simplement dans une représentation d'opposition, voire de duel avec elle-même, donc en dualité avec vous, projetant ainsi son conflit intérieur non résolu à l'extérieur d'elle-même. L'être dualiste, donc non unifié, ne peut pas être dans l'altérité puisqu'il n'a pas reconnu en lui sa part unique, son être divin s'écoulant en lui. Si celui-ci ne reconnaît pas sa part divine, il ne peut dans ce cas reconnaître la vôtre. Alors, il ne pourra pas accueillir l'être unique que vous êtes. Ce qui est peut-être bon de se rappeler, c'est que l'être humain n'est pas supérieur et non plus inférieur à l'autre. Lorsque nous laissons de côté la comparaison, que nous éliminons en nous toute forme de supériorité ainsi que toute forme d'infériorité, la dualité se dissout, elle disparaît pour laisser place à l'altérité, et c'est à ce moment-là que nous pouvons accueillir l'autre dans toute sa dimension. Permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons pas être dans l'altérité tant que nous n'avons pas éclairé en nous-mêmes notre partie lumineuse, notre unicité, notre part divine qui nous anime les uns et les autres. Sachez que c'est une merveilleuse richesse que l'univers nous offre de reconnaître l'autre dans sa part unique, ici et maintenant. Si je ne vis pas la conscience de l'altérité, je ne suis pas dans l'unicité, aussi bien dans ma vie de couple que dans ma vie personnelle et professionnelle. Sachons être dans l'altérité, dans le respect de soi et de l'autre, dans la reconnaissance de toutes nos différences, de toutes nos richesses. Nous pourrions nous dire « Je ne souhaite pas que l'autre soit comme moi, puisque j'aime sa différence, sa complémentarité, ce qui fait en même temps la richesse de notre relation, voire de nos relations. » Dans la vie du couple, l'altérité, ce n'est pas seulement être dans l'ouverture de l'autre et de sa différence. C'est aussi reconnaître qu'il peut y avoir des différences intrusives. Et le fait de les identifier est une façon aussi de se respecter dans son unicité, puisque nous sommes différents des autres. Bien souvent, en couple, les oppositions sont normalement dans le sens de cette complémentarité. L'autre fait des choses que je ne peux pas faire, l'autre ne pense pas comme moi, etc. En sachant que tout ceci est une grande richesse pour évoluer et grandir ensemble. Je peux alors me dire que j'adapte mon altérité par rapport à la différence de l'autre, puisque nous sommes complémentaires tout en étant conscients de notre unicité, puisque chacun est unique et différent de tous les autres. Et en fait, l'être unique est aussi la substance de l'unicité. Le chemin que nous empruntons ne peut se vivre que dans la pleine conscience. Et c'est dans notre humanité individuelle que nous pourrons nous unifier et nous réaliser pleinement. Soyons également conscients du champ des possibles qui nous est offert en devenant la meilleure version de nous-mêmes pour le bon vivre ensemble. Nous sommes les créateurs de notre humanité et c'est en étant responsables de nous-mêmes que nous pouvons créer ici et maintenant les nouveaux souvenirs à venir pour l'amour de nos enfants, pour nous, bien sûr. Gratitude à vous.